Voici l'histoire d'un petit homme. Nous allons vous la raconter. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Sa maison est en carton, pirouette, cacahuète. Monsieur le facteur, j'ai cassé le bout du nez. Oh, ça va lui faire mal. C'est triste. Attends, écoutez. On lui a raccommodé, pirouette, cacahuète. On lui a raccommodé avec du joli fil doré, avec du joli fil doré. Le joli fil a cassé. Pirouette, cacahuète, le joli fil a cassé. Le bout du nez s'est envolé, le bout du nez s'est envolé.